Épilogue. Les Robinson de la Guyane ont tenu parole. Après avoir dit adieu à la métropole sans intention de retour, ils ont, à l'exemple des Anglais, improvisé la patrie sur le sol colonial, vivant exclusivement pour leur pays d'adoption, consacrant à son amélioration toutes les forces de leur intelligence. Ils ont, grâce à un labeur constant, fait naître une merveilleuse prospérité sur leur coin de terre équinoxiale. Leur devise était depuis plus de 20 ans « travail et patrie ». Il n'est pas étonnant que leur situation présente puisse se résumer en un seul mot « bonheur ». Une vieillesse heureuse, exempte d'infirmité, est le partage de Robin et de son héroïque compagne. Encore une preuve que la Guyane est moins inhospitalière que le prétendent ses détracteurs. Henri, leur fils aîné, qui quitte l'Europe à l'âge de 10 ans, n'éprouve nulle envie d'y faire un voyage d'agrément. Son frère Charles estime que son séjour d'une année en France a largement satisfait sa curiosité. Les deux Robinson ont en outre chacun un motif plus que suffisant de demeurer sur les rives du Maroni. Henri vient d'épouser à la mairie de Saint-Laurent Miss Lucie, le jour même où l'union de Charles de Miss Mary était consacrée. Les deux jeunes femmes, devenues de cœur et d'adoption françaises de l'Équateur, ne veulent plus quitter leur seconde mère. Puis, où trouver pour une idylle matrimoniale un séjour comme ce pays du soleil, avec ses fleurs éblouissantes, son éternelle verdure, son incomparable majesté? Eugène et Edmond ont prétendu que le complément indispensable de leur éducation coloniale était, comme pour Charles, un voyage en Europe. Ils viennent de partir sur le Salvador de la compagnie transatlantique avec leur ami Duvallon, que le désir de se dépayser pour 10 mois a également saisi. Les nouveaux besoins de l'exploitation nécessitent d'ailleurs ce voyage. La joie a totalement tourné la tête à Nicolas. Le brave Robinson vient aussi de prendre femme. Il a épousé la sœur du mécanicien en chef, une charmante martiniquaise, dont l'intelligence et la bonté égalent la grâce créole, ce qui n'est pas peu dire. Le libéré Gondet, toujours bon, toujours honnête, s'efface, travaille et expie par une vie d'abnégation un fatal moment d'entraînement. Le seul indice de vieillesse que présente un gosso, c'est son épaisse chevelure devenue complètement blanche. « Mofika Casimir, je suis devenu Casimir », dit le bon noir, qui ne passe pas un jour sans parler de son vieil ami. Sa femme, Ageda, toujours alerte malgré un respectable embonpoint, élève à l'européenne tout un clan de négrillons, les Robinson de l'avenir, de la paternité desquels Lomi et Bachelico sont fiers avec raison. Tous les membres de cette grande famille habitent tantôt le champ d'or, tantôt l'exploitation agricole. Le trajet s'opère facilement et avec une grande rapidité grâce au canot de papier qui accomplit régulièrement un voyage tous les 2 jours. Ajoutons pour finir que l'état sanitaire des ouvriers mineurs est excellent grâce à l'alimentation fournie par la hâterie, dont les troupeaux s'accroissent chaque jour, grâce aussi à une excellente mesure prise par Robin depuis le premier moment. Aussitôt qu'un mineur manifeste un symptôme quelque léger qu'il soit, de fièvre ou d'anémie, il est séance tenante transporté à l'habitation du sauve Peter Sungu. Ce changement d'air et de travail suffit pour amener une guérison rapide. La conquête de la civilisation est donc complète. Aussi, quand chaque matin le pavillon tricolore flamboie au sommet de son mât, au moment où la trompe appelle les ouvriers au travail, l'ancien proscrit sent-il son cœur étreint par une émotion sans cesse renaissante. C'est donc avec un légitime orgueil qu'il peut dire en voyant ce bouillonnant creuset où s'élabore la prospérité de la France équinoxiale « Voici mon œuvre ». Et ajouter, en contemplant le lambeau d'étamine, « C'est pour la patrie ». Ainsi s'achève « Les mystères de la forêt vierge », 3e partie des Robinson de la Guyane, par Louis Bousnard.